song. Bonne nuit, mon ami. Travers l'espace, thank you. en décalé. Truc de fou, truc de dingue, truc de psychopathe.